السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، le sujet que nous allons traiter ensemble avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est sur la sunna ainsi que sur la bid'a. Donc ce sera en quatre séances bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc pour commencer, donc on va mentionner le tarif. Que signifie la sunna dans la langue arabe? في اللغة السنة هي السيرة والطريقة. Donc la sunna dans la langue arabe, c'est le chemin, la voie. Le chemin, la voie. Lorsqu'on dit فلان على السنة, c'est-à-dire que cette personne est dans la voie. Cette personne, ou un tel, ou une telle, est dans le chemin, ou dans la voie. Le fichar, dans le lexique juridique, la sunna, هي اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر والترك ما نهى عنه، فهي تشمل في الشرع كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور واجبة وأمور مستحبة، وترك الأمور المحرمة، وترك الأمور المكروهة. ثم بعد ذلك أصبح للسنة اصطلاح عند العلماء. Donc dans le lexique juridique, la sunna c'est de suivre ce dont est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les ordres, et aussi de délaisser ce qu'il a interdit sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela va englober toute la législation, c'est-à-dire tout ce dont est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les ordres qui sont obligatoires, ainsi ceux qui sont recommandés. Et de délaisser aussi tout ce qui est interdit et tout ce qui est détestable. C'est-à-dire en vérité, il y a donc ce qu'on appelle un tarq, donc le délaissement. Donc dans le délaissement, il y a le haram, le makruh, et il y a le fi'l, donc le fait de faire. Et ça, c'est ce qui est obligatoire ou bien ce qui est mustahab, c'est-à-dire recommandé. Et après cela, donc la sunna, elle a donc aussi une définition juridique vis-à-vis des ulama, vis-à-vis des savants. La sunna chez al-muhaddithun, donc chez les savants du hadith, c'est ma udifa li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min qawlin, ou fi'lin, ou takhririn, ou sifatin khalqiyya, ou khuluqiyya. C'est-à-dire, ce qui a été donc dit ou amené de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les paroles, les actes, ou ce qu'il a accepté, ou ce qu'il a laissé faire, ainsi que ses qualités, tant que physique ou morale. Les qualités physiques et morales. Et lorsqu'on dit « ma udifa ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam », on donne comme exemple, il y a bien sûr énormément d'exemples, et parmi les exemples, donc le hadith rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui dit « Sami'atu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama ta'amalu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. » Donc le hadith est connu d'entre vous. Donc ça c'est une sunna qawliya, car c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit Qawliya, c'est-à-dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et si on prend un exemple parmi les sunnah fi'liya, donc les actes de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est par exemple le hadith de Anas radiallahu anhu qui dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu ad-dubab. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la course, donc la nourriture. Donc ça c'est bien sûr un point parmi les points du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on mentionne aussi mais sur la sunna fi'liya chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait bien sûr commencer par la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et autres. Donc tout cela entre dans les sunna fi'liya, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et taqrir, donc le fait de voir, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une chose et n'a rien dit, a laissé faire. Donc ce qu'on appelle notre sunna taqririya, مثل هي أن يحدث الفعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث الفعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمانه والوحي ينزل ويقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر الوحي ذلك فلا ينكر ولا يغير فتكون بذلك تقرير شرعي للفعل ودلالة السنة تقريرية بمجردها على الاستحباب الضعيفة. Donc ici, c'est le fait de faire quelque chose devant le prophète صلى الله عليه وسلم alors que la révélation continue à descendre. La révélation descend. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc agrée, accepte. Ou laisse faire plutôt. Ce n'est pas le fait d'agréer, mais c'est plutôt le fait de laisser faire. Alors que, aussi donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc laisse faire, il y a donc un takhrir, il y a une acceptation, ainsi que le wahi aussi, donc il n'y a pas de révélation qui descend. Il n'y a pas de verset. Ou bien des hadiths du prophète qui vont être en l'encontre de cela. Et il ne dénigre pas, ni change, ni vient corriger cela. Donc ça c'est justement, donc ça devient, donc cette chose-là, elle devient sharia. Elle devient légiférée. Elle devient légiférée. Et c'est ce qu'on appelle donc sunna taqririya. Mais elle reste donc mubaha. Elle reste donc licite, permise. Et elle ne prend pas le donc le niveau, ou elle n'atteint pas le niveau de l'istihbab, le fait que cela est recommandé à faire. L'istihbab, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une, deux fois, trois fois, quelques fois dans sa vie. C'est différent, donc c'est pas la sunna. C'est pas un acte qui est mustahab, c'est pas automatiquement un acte qui est sunna. La sunna, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait tout dans sa vie. Tandis que quelque chose de mustahab, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà le faire. Et c'est pas quelque chose, donc c'est quelque chose qui est rare, ou de temps en temps. Donc le fait que certains savants, ou certaines personnes ont dit que sunna taqririya a atteint le niveau de l'istihbab, non. C'est faible. C'est tout simplement permis. Comme, vous connaissez l'histoire, lorsque Khalid ibn Walid a mangé donc, du lézard, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire. Voici par exemple un exemple dans la sunna taqririya. Voici un exemple dans la sunna taqririya. Et lorsqu'on parle des sifat khuluqiyya, c'est-à-dire le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa moralité, فَهِيَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنْ أَخْلَقِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَيْفَ كَانَتْ وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَجَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ خُلُقِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَجَابَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ. Donc la sunna, ici la sifat, l'attribut ou la qualité de bonne moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui nous a été apporté parmi donc les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on questionna Aïcha radiallahu ta'ala anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a répondu donc d'une phrase courte, mais qui signifie énormément de choses, car en vérité elle signifie tout. C'est qu'elle a répondu, certes son comportement était le Coran. Certes son comportement était le Coran. Donc si tu veux savoir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc applique donc en réalité correctement ce qu'il y a dans celui le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma as-sifa Al-Khalqiyya, donc la tribu, ou bien plutôt sa physionomie. Sa physionomie aussi, on a eu donc des hadiths, des preuves, hein, de savoir comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment était la couleur de sa peau, son visage, son corps. Lorsqu'ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, la tawil, voilà le qasir. La tawil, voilà le qasir. Donc il n'était ni grand, ni petit, moyen. Il n'était ni pas trapu, mais il n'était pas non plus ni maître et ni gros, et ni trop trapu. En vérité, il était bien. Et aussi, bien sûr, on dit aussi que son visage était blanc et autre encore. Et la sunna chez donc les muhaddisins, hein, chez les muhaddisins, c'est ma udifa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min qawl ou fi'l ou taqrir ou sifa khalqiya ou khuluqiya. Donc voici en réalité ce que veut dire la sunna chez les gens du hadith, chez les savants du hadith. C'est-à-dire ce que qu'on lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les paroles, parmi les actes, parmi ce qu'il a laissé faire, parmi sa physionomie et aussi parmi son comportement. Et chez les fuqaha ou al-usuliyyun, donc les gens de base, les savants des bases de religion, ainsi que chez les jurisconsuls, c'est ma udifa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin ou fi'lin ou taqrir. Eux s'arrêtent à ça. Du fait que ils recherchent ici donc les statuts juridiques. C'est-à-dire qu'eux s'arrêtent à le fait de dire que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est ce qu'il a dit ou c'est ce qu'il a laissé faire. Par contre, son comportement ou sa physionomie n'a rien à voir dans la sunna. Il voit que ça c'est... Car pour eux la sunna c'est... Il faut que ce soit allié à un statut. Il faut qu'il y ait une relation entre ces choses-là, hein, ces actes, ces paroles, et quoi? Et une loi. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est mubah? Est-ce que c'est makruh? Il a khilif. Donc il regarde en vérité par rapport à l'ahkam takrifiya. Il va regarder par rapport à c'est-à-dire les règles qu'il y a vis-à-vis des actes à faire. C'est pour ça qu'ils disent cela. Donc ils ne s'arrêtent donc à cela. Ils disent que les règles religieuses ne sont retirées que de ses paroles, de ses actes ou de ce qu'il a légiféré, de ce qu'il a laissé faire. Tandis que donc son comportement ou bien sa physionomie n'a rien à voir avec les statuts religieux. Donc il voit comme ça. Et lorsqu'il parle bien sûr de sunna, ou c'est toujours donc al-usuliyyun ou al-fuqaha, il veut dire par là que ce qui est sunna, donc c'est ma usiba fa'iluhu, wa la yu'aqab tarikuhu. C'est-à-dire que celui qui œuvre de cet acte aura la récompense, mais s'il la délaisse, il n'aura pas de péché. Il ne sera pas comptabilisé. Donc voici la sunna chez eux. Alors, parce qu'ils prennent par rapport au hakim takrifiya. Ils voient que la sunna chez eux, c'est si tu le fais, tu auras la hasanat, et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de péché. Donc on voit que c'est restreint. C'est restreint. Et c'est malheureusement ce dont énormément de gens pensent actuellement chez les musulmans. Ah, c'est sunna, c'est pas grave si je le fais pas. Ça devient comme ça. Alors qu'en vérité, la sunna, c'est justement de savoir que c'est tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Que ce soit obligatoire ou pas. Donc voici ce que c'est la sunna. Le fait de délaisser quelque chose, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, tu le délaisses comme il l'a fait, donc tu es en train de suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus important, c'est plus vaste et c'est plus respectueux. C'est-à-dire vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le fait de dire c'est sunna, c'est pas grave. Alors que la sunna, en vérité, elle reste importante. Vous le considérez comme petit ou léger, alors que c'est énorme auprès d'Allah. Alors qu'en réalité, c'est énorme auprès d'Allah. Donc on a vu ici comment aussi par rapport à la sunna, pour montrer l'importance de la sunna, c'est que les plus prédécesseurs parmi les grands ulama de cette communauté, on retrouve donc des livres qui se nomment As-Sunna. Il y a plusieurs livres qui ont donc le titre de As-Sunna. Et on retrouve dans cela quoi, généralement. Ce qui a trait au tawhid, à l'aqida, ce qui a trait au manhaj, ce qui a trait à la sunna. Non. Parmi donc les ulama qui ont écrit, hein, donc ces livres-là, Par exemple, Ibn Abi Asim, Kitab Sunnah. Et on retrouve donc chez Al-Bani, rahmallah, qui a aussi donc vérifié donc les, c'est-à-dire les hadiths par rapport à cela. Il y a un tahqiq de chez Al-Bani, rahmallah. Aussi Kitab Sunnah de l'imam Ahmed, rahmallah. Ainsi que l'imam Marwazi. L'imam Marwazi, donc, qui est son élève. Et qui est le chir de l'imam Al-Barbahari, rahmatullah alayhim jami'a. Donc voici comment le mot sunnah doit être compris, afin qu'il soit respecté. Et à partir de là, on voit que des gens n'ont pas justement, donc ne connaissent pas la signification réelle de ce mot. Du fait qu'ils arrivent à dire c'est sunnah, c'est pas grave. Voici le résultat de ceux qui s'arrêtent au fait de dire que la sunnah c'est si je le fais. J'ai des hasanat si je ne le fais pas. J'ai donc justement, je n'aurai pas de péché. Donc si on s'arrête qu'à ça, si on comprend que la sunnah c'est que ça, comme le font Al-Usuliyyin ou Al-Fuqaha, c'est-à-dire vis-à-vis de leur explication, donc on va automatiquement restreindre. On va restreindre en réalité la sunnah à cela et on ne va pas être attiré justement à mettre en pratique. Aussi, donc la sunnah aussi, elle a des parties. La arsem. Donc sunnah sariha, une sunnah qui est claire et évidente. Sunnah sariha, claire et évidente. إضافتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة وظاهرة. C'est-à-dire que c'est clair qu'on sait que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit. Donc de façon claire et de façon voyante. Le Nabi صلى الله عليه وسلم donc a parlé. Il a fait. Donc c'est ce qu'on appelle la sunna صريحة. Par exemple lorsqu'on dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ou bien فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ou bien qu'elle est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça. Donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout en train de. Kana yufidu al-dawam. Lorsque vous voyez un hadith que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète était, c'est-à-dire que c'était tout le temps. Ça, donc ça, il y a quoi comme bénéfice à savoir par rapport au mot Kana? C'est qu'en vérité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait donc de façon régulière. Dans toute sa vie. Et aussi, donc voici comment on sait cela. C'est le fait que An-Nabi l'a fait, l'a dit, l'a fait, donc c'est clair. Et après, il y a Sunna Ad-Dhamniya. Dhamniya. C'est-à-dire qu'on c'est pas qu'on voit, on n'a pas entendu ça de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt des compagnons. Mais ils ont parlé de choses dont ils ne peuvent pas parler que si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. C'est pas possible qu'ils l'ont dit d'eux-mêmes. Et on peut surtout prendre par rapport aux choses qu'ils ont à voir avec le rêve, avec donc l'invisible. Si on a des fois certaines paroles de compagnons qui parlent de ce qui va arriver au jour dernier, ils n'ont pas pu l'inventer. C'est pas un ishtihad. C'est pas possible parce qu'il s'agit de choses de l'invisible. Des choses que on ne peut les connaître que par trois points. Ou on a une preuve authentique, tout ce qui va avoir avec le domaine de l'invisible. C'est où on a une preuve authentique, donc le Coran et la Sunna, où on a un équivalent, et là on sait bien qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire par rapport au jour dernier, on ne connaît pas de jour équivalent, donc on ne peut pas le comparer à quelque chose d'autre, où on a vu la chose, où la chose on l'a vu. Et là on sait que donc les deux derniers disparaissent. Il va rester quoi? Il va rester que le délire, le Coran et la Sunna. Et les compagnons du prophète, on sait qu'ils ne vont pas venir, bien sûr, inventer cela. Donc c'est donc c'est sunnah qui, en vérité, donc, n'a pas justement atteint, en vérité, donc, ce que les gens imaginent ou pensent. Donc c'est clair qu'on sait que ce n'est pas le prophète Sarasim qui a dit cela, ou on l'a plutôt pas, enfin, on l'a plutôt pas entendu de la bouche du prophète Sarasim, mais le statut à retirer de cela, c'est qu'il est considéré comme marfour. Un hadith est marfour, donc c'est-à-dire qu'il provient de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le même statut, c'est le même hukm que si c'était le prophète Sarasim qui a parlé. Et cette sunna, donc c'est bien sûr les paroles des compagnons, dont le rail, la vie personnelle, n'a pas place. Ni l'ishtihad. Donc, ni le raisonnement par analogie. لأنها ما دامت لا مجال للرأي والاجتهاد فيها فمن أين مصدرها ومن أين أخذوها. C'est clair que si ce n'est pas un avis personnel, si ce n'est pas un effort d'interprétation, ça ne peut être que de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فأخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي الذي لا مخالف له فيه. Aussi vis-à-vis donc toujours de Dhamniya, la Sunnah Dhamniya. C'est-à-dire que c'est une parole d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne trouve personne qui va contredire ce compagnon. On ne trouve personne qui va contredire ce compagnon. Et là, de façon générale, c'est un sujet dont les gens, ou même des gens de science, mais sur excepté de façon générale les muhaddithoun, ceux qui ont réellement le respect des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon générale d'autres délaissent ou ils lâchent du lest par rapport à cela. Ils ne font pas attention à ces paroles-là de la même façon qu'ils doivent faire attention aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne donnent pas justement en vérité la même valeur. Et ça c'est une erreur. Donc al-aydan hukmuhu hukmu sunnah al-marfu'a. Si un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, fait une fête ou bien fait une fête, donc dit que ceci est interdit ou bien ceci ou cela, et que personne des compagnons ne le contredit, donc son hukm, son statut, c'est le statut de, comme si c'était le prophète Mohammed sallam qui aurait parlé, de la même façon. Dans les livres de Usul, on verra ijma' sukuti, c'est-à-dire qu'ils sont tous, il y a un consensus dans le fait qu'ils se sont tus sur sa parole. Ils n'ont pas dénigré sa parole. Ijma' sukuti. Il n'y a pas eu de mukhalif. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes qui sont contre cela. Et on appelle ça ijma' sukuti. Les gens se sont tus. Dans le sens, ils n'ont pas répondu en disant non, c'est faux. Car si, et on peut sinon qu'on sait que al-umma la tashtamiru ala talala. Et la communauté ne peut pas se rassembler dans quoi ? Dans l'égarement. Donc ça veut dire que cela, donc c'est un ijma, même si sukuti, donc il a une grande valeur. Car ijma dans l'islam, c'est le délit le plus grand. Il n'y a pas plus fort délit que l'ijma. L'ijma, elle est plus fort que le Coran. Maintenant, si je dis ça aux gens, les gens ne vont peut-être pas comprendre. Pourquoi l'ijma, elle est plus fort que le Coran ? Chacun d'entre nous peut lire un verset et comprendre de façon différente. On peut très bien maintenant lire n'importe quel verset du Coran, il est possible qu'on va trouver peut-être 7 ou 8 ou 10 ou 50 façons de comprendre différentes. Parmi nous. Là, tu vas dire, Allah Alam, ça veut dire ça. Ou bien là, Allah Alam, ça veut dire ça. Mais Ijma, c'est déjà un travail tout fait. C'est en vérité, donc, déjà, Mada Jahiza. Dans le sens où le travail est fait. Par qui ? Par tous les ulama qui ont eu la même compréhension. C'est pour ça que c'est plus fort. Quand on dit c'est plus fort, dans le sens où il y a un Ijma, ne cherche pas à penser que tu vas trouver un mukhalif. Ne cherche pas après ce qui va être contraire à cela. Tandis que le Coran, tu peux le comprendre comme ça, un autre peut venir l'expliquer d'une autre façon, par exemple. C'est clair qu'il y en a un des deux qui aura faux. Je ne veux pas dire que tout le monde a raison. Mais c'est pour le dire que le Coran, si tu lis de toi-même, tu ne vas pas comprendre automatiquement tout ce qu'il y a à comprendre. Il faut que tu passes par les éléments. Mais tandis que le Ijma, en vérité, va faire le travail déjà. Donc tu n'as plus qu'à ramasser. Tu n'as plus en vérité qu'à apprendre ce qui est déjà là. Donc ça, c'est aussi parmi les favoris de l'Ijma. Donc ici, l'Ijma Sukuti, toujours par rapport aux paroles des compagnons du prophète. Inna sahabiya haynama yaqul al-qawl wa yaskutu an al-inkar al-sahaba al-akharun fa inna hada dalilun ala qawl hada sahabi sunna. Donc ça pour eux, c'est une preuve que si ce compagnon a dit quelque chose et que les autres se sont tus, ils n'ont pas dénigré, et on sait que c'est impossible. C'est impossible qu'un haram se fait devant tous les compagnons du prophète et tout le monde, et qu'au moins il n'y aurait pas un qui aurait parlé. Ça, c'est impossible qu'un munkar passe devant eux et tout le monde se tait. Ça, c'est impossible. Car Allah dit bien qu'on touche la ummatin ou khilat l'innas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar. Allah les a déjà vantés. Il les a déjà donc loués. Il a cité leur louange par rapport justement à cela. Par le fait de dire que vous êtes la meilleure communauté qui a surgi de chez les gens, vous ordonnez le bien et vous réprouvez le mal. Et ça, c'est impossible de savoir que dans toute époque, chez les gens de l'Ahlus Sunnah wal Jama'a, il y a un munkar qui va être passé sans qu'au moins un va parler. C'est-à-dire sans au moins qu'un va se taire. Enfin, c'est-à-dire, ou bien tout le monde va se taire. Il y en aura au moins un qui va parler. Ça, c'est obligatoire. C'est comme ça. car Allah Azzajal a fait que cette religion elle va toujours rester donc claire et voyante, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Hadith. Donc il y aura toujours dans ma communauté un groupe apparent dans la vérité. Vahalin al-Haq. Donc si tu es apparent dans la vérité, tu es obligé de parler. C'est pas possible que tu caches. Non. Donc, c'est donc une sunna qui est sarecha, le fait qu'ils ont accepté, il y a une muwafaqa, il y a une acceptation. Et donc ça devient chutia, ça devient une preuve. Car les compagnons du prophète ont accepté, ont agréé cela. Et donc sinon sur hukm, le hukm de l'ijma al-sukuti. Aussi, si les compagnons du prophète parlent par rapport au asbab al-nuzul, les causes de la révélation. C'est pas possible qu'ils vont venir parler de des causes de la révélation si ça ne vient pas en vérité d'un témoignage clair. Des témoignages clairs. Alors, aidan, hukmu sunna al-marfu'a, idha kanat sira allati abbara biha, ou fiha an asbab al-nuzul, siratan sarihatan. كقوله حدث كذا فأنزل الله كذا فإن هذا صريح في أن هذه الواقعة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils sont témoins les compagnons du prophète de cela. Ils savent que tel verset est descendu pour cette situation. Et on sait qu'ils sont bien sûr sûrs. Les compagnons du prophète sont tous udul, comme le dit l'imam al-Bukhari. Ils sont tous sûrs. On prend deux sans chercher à les classifier. Est-ce qu'ils sont authentiques? Est-ce qu'ils sont sera? Est-ce qu'ils sont sadoc ou pas? Ils sont tous redoux. Donc le fait qu'un compagnon dit ce verset est descendu pour telle situation, on l'apprend. Donc on la considère comme une sunna saliha. C'est quelque chose que tu prends comme si c'était le prophète Mohammed Sassam qui l'a, donc, avait parlé. Car lui, il le prend d'où? Il le prend bien sûr du prophète Mohammed Sassam qui est le juge dans cette affaire-là. Lorsqu'une situation vient, c'est vers lui que le verset descend. C'est sur lui que le verset descend. Et après, il le dit aux gens. Et après, il enseigne aux gens. Donc les gens sont témoins de cela, les compagnons. Ils ont été témoins de cela. Aussi que « Qawl sahabi fi tafsir marwiya » Inni fa'inna sahabiya haynama sami al-hadith min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alimad bil qara'in allati haffat ala al-hadith. Fa tafsiruhu lamma yarwihi ani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muqaddamun ala kalam ghayrihi. C'est-à-dire l'explication du compagnon du prophète sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un compagnon a expliqué un hadith, tu ne peux pas venir après prendre d'autres personnes qui vont donner des explications qui sont contraires, par exemple. Et que tu vas te permettre de dire « Nahnu rijal wa hum rijal »« Ou hawla rijal wa nahnu rijal » Ce sont des hommes, on est des hommes. Allah Azza wa Jalla a choisi les meilleurs pour les mettre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas choisi ceux qui sont venus après. Donc si une parole de quelque savant que ce soit qui est en contradiction avec la parole des compagnons du prophète sur l'explication des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas prendre donc la parole de cette personne-là et on garde la parole des compagnons du prophète. Il passe avant. Donc c'est ça. Et ça veut dire que s'il a expliqué ce hadith, donc c'est comme si en vérité, non, c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle passe avant. بَلَّعَلَّ الْفَصْلِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفَهْمِ أو المعنى الذي فصل أو فصل فيه الحديث أو فصل فيه الحديث يغلب على الظن أنه استفادة إن إنه استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car il y a plus de chances, il y a des chances que lui, sa compréhension, donc le compagnon, sa compréhension est venue de la part du prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui a appris, donc il a, c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui lui a enseigné cela. Donc c'est pour ça que sa parole risque donc de passer plus avant, d'être en vérité donc en priorité. Et tu vois la même chose, hein, bien sûr ils ont écrit par rapport à cela. Ils ont écrit par rapport à cela. Et comme on l'a dit par rapport au Masa'el Sahaba, il y a énormément de gens qui n'ont pas en vérité respecté les règles vis-à-vis de cela. Ils n'ont pas respecté leurs règles. Donc ils ont commis des erreurs vis-à-vis de plusieurs points. Parmi les points, donc c'est le fait de ne pas vérifier est-ce que les paroles des compagnons sont authentiques ou faibles, car il faut une chaîne de transmission à la Kulihel, il faut une chaîne de transmission, ils n'ont pas respecté cela. Ils ont propagé des fois des paroles, même si, sans vérifier si elles étaient en vérité bonnes ou bien recevables ou faibles, ils n'ont pas en vérité utiliser les mêmes éléments qu'ils utilisaient par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Donc toujours le fait qu'ils n'ont pas aussi vérifié toujours ce que ce compagnon a voulu dire. Quelles sont les explications de cela? Ils ont aussi donc des fois pris certaines choses sans en vérité chercher à comprendre, c'est-à-dire le tefsir de cela, ou l'explication de cela. Et aussi toujours la même chose, ils ont aussi donc alors ils ont aussi des fois donc prononcé des paroles qui en vérité ne font pas partie de la bouche des compagnons du prophète. La même chose. Donc ils ont aussi ils n'ont pas respecté cela, ils n'ont pas vérifié, ou plutôt ils disent des choses, et en vérité, ce n'est pas les compagnons du prophète qui ont vérifié cela. Dans le sens où ils ne respectent pas en vérité cela comme si c'était hadith du prophète. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a énormément de bénéfices. Et parmi les bénéfices, déjà, c'est que la sunna, lorsqu'on dit la sunna, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est tout l'islam. Lorsqu'on parle de sunna, en vérité, on parle de l'islam. On parle de tout l'islam, la religion d'Allah azza wa jalla. Tout ce que Allah azza wa jalla a légiféré. Tout ce que Allah azza wa jalla a légiféré. Ça va être avec sagesse, avec comportement et autres. Donc la sunna, c'est le din. En vérité, la sunna, c'est la religion. Allah azza wa jalla dit « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ الدِّينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Donc celui qui désire autre que l'islam comme religion ne lui sera pas accepté. Et il fera partie des perdants le jour dernier. « كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَهُ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ » Comment Allah va guider un peuple qui ont mécru après avoir reçu la foi? Qui mécroit après avoir reçu la foi? Si ce n'est pas ceux qui sont sortis de l'islam, ou bien même ceux qui entrent dans les bidars, que nous, dans le sens qu'ils n'usent pas du Coran et de la Sunna à la fin des salaf. Ils ont des raï, mon avis, ton avis, son avis. Donc le fait qu'ils sont rentrés dans cette façon de faire, ce procédé qui est faux, automatiquement ils ne savent pas s'ils sont dans la vérité. C'est pour ça qu'ils te disent. Et ça, c'est une parole qui est venue chez des gens il y a quelques jours de ça. Donc, une personne qui a discuté avec une personne, elle t'a dit, qui te dit que c'est toi qui es dans la vérité, qui te dit que c'est moi qui parle, hein, que c'est moi qui serai vraiment dans la vérité ou quoi. La personne ne le sait même pas. Tandis que le sunni, le salafi, il sait qu'il est dans la vérité. Il n'y a pas à se poser de questions. Il sait qu'il a suivi le Coran et la sunna à la fin des salafi. Comment veux-tu qu'il croit qu'il est en vérité en perdition? Alors que lui, justement, il loue Allah. Il est content d'être en vérité dans le droit chemin. Donc ces gens sont comme ça. Allah regarde des baïnettes et ces gens en vérité ne comprennent rien. Et puis Allah dit Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah ne guide pas le peuple des injustes. Oulaika jazahum anna alayhim la'nat Allah wal malaika wal nas ajma'in. Et ces gens auront comme récompense, donc ils auront comme récompense la malédiction d'Allah, ainsi que ses anges et les gens, toutes les personnes. N'est-ce pas qu'il y a des hadiths qui prouvent que les gens de la Bid'a, ils ont aussi cela? Celui qui viendrait à refugier un muhdith, une personne de la Bid'a ou autre dans Médine, il aura la malédiction d'Allah, il aura la malédiction des anges, ainsi que tous les gens. Comme ce verset. Donc les gens de la Bid'a entrent dans la dénomination, dans la dénomination de cette parole-là. Alors il dit après Khalidina fiha, la yukhaffafu anhum al-azab, wa lahum yunzarun. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu, fa inna Allah ghafurur rahim. Donc bien sûr, ils demeurer donc éternellement, et Allah ne va pas alléger leur châtiment, et aussi, ils ne le verront pas. Wa lahum yunzarun. Ils ne seront pas vus. Allah ne va pas les regarder. Allah les voit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Allah ne va pas les regarder d'un regard de miséricorde. Il ne va pas les regarder d'un regard de miséricorde. Sauf ceux qui se sont repentis après cela et ont arrangé les choses, se sont corrigés, ont corrigé les choses. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voici en vérité la sunna. La sunna, c'est tout l'islam. Et on voit, regardez le verset, parce qu'Allah il parle de l'islam et de ceux qui rejettent l'islam. Et ceux qui rejettent ça, après qu'ils ont cru, donc qui sont-ils ces gens-là? Ce sont en vérité des gens qui sombrent dans les bidards, hein, donc dans justement les innovations, et ceci tout en musulman. Donc en fait, ils ont mécru à ce que le prophète Mohammed s'en a ramené. Dans beaucoup de choses. Ils détestent les sunnahs, voire c'est même des fois le dégoût, hein, le dégain et le fait de détester la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on rentrait dans les bénéfices de cela. Donc le premier bénéfice, c'est que lorsqu'on suit la sunnah, en réalité, on se protège. On s'innocente, ou bien on se protège plutôt de le fait de tomber dans l'ikhtilaf. La sunnah permet aux gens de ne pas diverger. De ne pas diverger. Quelle divergence? Car il y a en vérité deux types de divergence. Celle qui est permise et celle qui est interdite. Mazmouma, donc celle qui est en vérité réprimandée. La divergence qui est en vérité réprimandée. C'est celle-ci. Quand on va retrouver chez la sunnah du consensus des divergences. Mais des divergences qui ne sont pas de base. Et on ne les a pas retrouvées ces divergences, hein, par exemple dans Tawhid. C'est Tawhid. C'est la Aqila. On n'a pas retrouvé des divergences. C'est dans un ou deux points, ou quelques vraiment très très peu de points, qui ne sont pas de base dans l'Aqila. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, hein, donc éveillé, ou lorsqu'il était en sommeil? Des choses comme ça. Et ça, le fait de ne pas savoir, ça c'est pas grave. Ça n'entre pas dans le fait de savoir comment est Allah. Où est Allah? Est-ce qu'on l'a des mains? Ça n'entre pas dans le même principe. Donc, l'Ikhtilef, qui est mezmoum, qui est donc réprimandé, c'est lui qui amène quoi? Qui amène la faiblesse de l'islam. L'islam n'a faibli et n'a été avili, hein, lorsqu'on dit l'islam, c'est-à-dire, je veux dire, les musulmans qui représentent l'islam. L'islam n'est pas faible et l'islam n'est pas vil, mais lorsque je dis l'islam affaibli, on se comprend. On sait qu'on parle des musulmans, hein, qui sont. On fait dire, hein, parce que justement, ils ont délaissé la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été en divergence. Ils ont été en vérité en divergence. Et ils ont délaissé l'obéissance à Allah et l'obéissance à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, wa ati'u Allah wa rasulahu. Wa la tanaza'u fatakshan. Wa tadhhaba rihku. Wa sbiru inna Allah ma sabiri. Donc, voyez, Allah dit, obéissez à Allah et à son envoyé. Et, ne vous disputez pas, ne vous querellez pas, car vous allez faiblir. Et votre force, rire ici, rire, c'est par rapport à la force, votre force va disparaître. Et patientez, certes Allah est avec les patients. Si Allah veut, dit patientez. Patientez dans quoi? Patientez justement dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Patientez dans le fait de s'éloigner des péchés ou des interdictions d'Allah Azza wa Jal, et patientez dans ce qui va vous arriver. Il ne faut pas se mettre dans la mentalité que les musulmans, ils gagnent toujours. Allah Azza wa Jalla a décidé que dans la vie ici-bas, les musulmans, des fois, il y aura quoi, hein, donc, quoi qu'il en soit, il va se retrouver à être au-dessous, bien être en dessous. Et si, lorsque tu seras en dessous, tu ne vas pas se sentir par rapport à cela. Et si tu es au-dessus, tu vas remercier Allah Azza wa Jalla, tu vas le louer, subhanahu wa ta'ala. Tandis que ceux qui sont prêts, ne veulent avec toi tout le temps, du matin au soir, sans patienter. Il n'y a jamais eu, chez aucun des compagnons du prophète, ou plutôt chez aucun des envoyés, et parmi les envoyés les plus importants, de victoire qu'après avoir subi et patienté. La victoire, c'est la troisième étape. Tu subis, première étape. Tu passes en deuxième étape, tu reçois la victoire, troisième étape. Ça, c'est automatique. Ça, c'est toujours fait. Ça, c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal chez les musulmans. C'est la sunna d'Allah Azza wa Jal chez les musulmans. Et vous pouvez savoir, quand vous voyez même vous-même, réfléchissez ou méditez sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Au début du salam à Mecca. Et puis après la hijra. Et puis le retour à Mecca. Donc vous voyez bien qu'il y a eu, ils ont subi, ils ont patienté, et ils ont reçu la victoire. C'est comme ça. La même chose pour Nuh. La même chose pour Ibrahim. La même chose pour Moussa. La même chose pour les envoyés d'Allah. Donc, dans le fait de suivre la sunna, c'est-à-dire le fait d'obéir à Allah et son envoyé, c'est justement donc la voie de la réussite. Et le fait aussi de quoi? De se sauver de toute divergence, d'en rester de toute divergence qui sont bien sûr réprimandées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Lorsque le hadith que vous connaissez, la Rifad, Ibn Sariya, hadith connu, donc lorsqu'il dit « Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman, ba'da salat al-ghada » Le prophète sallallahu alayhi nous a donc exhorté après la prière de Dhuhr, donc un jour, d'une exhortation qui était vraiment forte, donc une grande exhortation. ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Donc les larmes, hein, ce sont lâchées, ils ont commencé à pleurer. Et les cœurs ont frémi. Donc voici comment il était en vérité, donc regardez la situation des compagnons du prophète. Ils sont touchés par ces choses-là. قال رجل إن هذه موعدة مودع. Un homme a dit, ça c'est comme si donc c'était en vérité le serment d'adieu. C'est comme si c'était l'exhortation d'un Dieu. Ça veut dire qu'il va nous quitter, après cela il va mourir. Il a pensé à cela. Lorsqu'il a questionné, il a dit, qu'est-ce que tu nous conseilles donc au envoyé d'Allah? Il a dit, Usaykum bittaqwallah wa sama wa ta'a. Je vous ordonne de craindre Allah, de craindre Allah. Et la crainte d'Allah, c'est justement donc de mettre entre toi et Allah une barrière dans le fait de ne pas arriver à ses péchés, et aussi tu te protèges dans toute sa colère par le fait de ne pas arriver à ses péchés. Et d'écouter, d'obéir. Car à Adatan, la majorité des irtilèves, c'est par rapport au gouverneur. Que les gens soient directement parmi les khawarij ou pas. Car ils ont tous ishtama'u, le bida ishtama'u, alors saif. Tous les gens de la bida, ils sont tous unis, c'est-à-dire pour sortir l'épée. Qu'ils disent je ne parle de pas de politique, qu'ils disent je parle de politique ou pas. Même s'ils ne parlent pas de politique. Là, qui me croit-moi qu'il a décidé là, en vérité, ils ont la haine contre le gouverneur. Romine al-Adilla, c'est que tous ces gens-là, même si soi-disant ils ne font pas de politique et ne parlent pas de cela, ils ont tous des émirs. Ils ont des émirs de quartier. Ils ont des émirs de la ville. Ou bien ils ont un grand émir. Même si c'est des gros soufis. Les gros soufis, ils ont un émir dont ils ont fait le pacte d'allégeance. Ils avaient bien dit à leur plus grand émir, le grand émir du monde parmi les soufis, dont plusieurs d'entre eux, plus de 200 sectes soufis ont signé chez lui, donc ils ont fait le pacte d'allégeance, voire même certains d'entre eux avec leur sang, pour dire que c'est l'émir de Mecca et Médine. À partir du moment qu'ils ont décidé que c'est l'émir de Mecca et Médine, n'est-ce pas que c'est un khuruj al-hakim qui existe déjà auparavant? Si tu as décidé que c'est pas lui l'émir qui existe déjà, qui est déjà en place, et que tu prends un nom, donc tu es en vérité un kharij, même si tu n'as pas sorti contre lui. Donc tu es en vérité les sifat de kharij. Et les autres aussi la même chose. Ils ont donc des positions secrètes, ils ont un émir, c'est lui qui décide. L'émir décide de tout. S'il doit aller voir sa tante, même s'il le faut, il a khali, ils ont cela. Ceci, cela, dans beaucoup de choses. Et ça, à partir du moment que tu es chez les musulmans, tu n'as pas. Si c'est pas chez les musulmans, tu n'as pas à le faire. Alors si tu es chez les musulmans, c'est encore pire. Parce que tu prends un groupe, on met un chef, le chef décide de tout, il leur dit tel jour vous allez faire telle adoration, tel jour vous allez faire cela, il légifère pour eux. Alors que la sunna est venue de la part du prophète Mohammed Sassam, elle n'est pas venue de la part de quelqu'un d'autre. Le Nabi Sassam n'est pas venu trahir Allah Azzawajal. Il est venu, il a tout expliqué du début à la fin. Et les gens de la Bida, justement, en vérité, ils s'éloignent de cela. Et donc tout a rien, donc c'est pour ça qu'on voit qu'ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas au gouverneur. Pour eux, c'est pas un gouverneur, c'est pas lui. C'est leur chef qui est là, devant chez eux, ou dans le quartier, ou dans la ville, ou dans la région, ou dans le pays, ou autre. Hein? Même si c'était donc un serviteur abyssien. Car celui qui va vivre parmi vous, et le Nabi, il dit ça à ses compagnons. Il dit ça aux compagnons du prophète. Donc il y a des compagnons du prophète qui ont connu énormément d'irtilaf. Celui qui va continuer à vivre chez vous, mais on sait que c'est quoi? C'est que quelques décennies, c'est pas des centaines d'années. On meurt de façon générale 70, 75 ans, 100 ans, il a fini. On sait que de façon générale, la communauté, c'est 70 ans. Il y aura beaucoup d'irtilaf, beaucoup de divergences. Et attention aux nouvelles choses. Iyakum, il est prévient. Faites attention à au bida, aux nouvelles choses, au bida, à ce qui n'est pas de ma sunna, à ce qui n'est pas de la sunna du prophète. C'est comme s'il disait ça. Attention aux nouvelles choses, ça ne vient pas de lui, c'est nouveau, c'est amené par les autres personnes. Vous ne connaissez pas ça. Car elles sont égarements. Car celui parmi vous qui va rencontrer cela, qui s'accroche donc fortement à ma sunna, ainsi que la sunna des Khulafa Rashidin, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et mordez-y avec les molaires. Et ça c'est une expression chez les Arabes. Les Arabes connaissent ce mot-là, mordez-y avec les molaires. Le Nabi, des fois il parle, afin que les gens comprennent. Nous aussi, on a tous même nous, donc des expressions que tout le monde comprend dans le pays, par exemple. On a certaines expressions qui sont propres à nous. Et ça, c'est une expression qui était propre aux Arabes lorsqu'il a dit mordisez avec les molaires. C'est-à-dire accrochez-vous. Et c'est clair que la molaire, si, c'est bien les parties les plus fortes des dents. Lorsque tu prends quelque chose, il est difficile de venir l'enlever. Il est difficile de venir l'avancer. Accroche-toi là et ne lâche pas. Et ne lâche pas en arrêter la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à pourquoi? Justement, parce que si tu délaisses petit à petit, tu peux très bien glisser sans savoir en vérité hein, dans les bidins, dans justement de ce qui est en vérité interdit. Nabi Samido qui prévient qu'il y a des nouvelles choses, il les a appelés Irtilef. Hein, donc il les a appelés Irtilef. Et après il donne ce remède qui est en réalité de quoi? Donc justement de revenir à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs versions, plusieurs variantes sur ce hadith. On a trouvé donc plusieurs variantes qui parlent de ce hadith. Et on voit que c'est un hasl, c'est une base, parmi les bases de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien parmi les bases de la religion d'Allah ta'ala. Car dans cette sunna, il y a la vie des gens. Hein? Car en vérité, dans cette sunna, et même dans ce hadith, qui est hadith de base, on retrouve dans ce hadith le fait que il y a le fait de craindre Allah. Donc le relationnel entre toi et Allah. Le fait d'obéir au gouverneur. Donc le fait de protéger le groupe. Obéir au gouverneur, c'est protéger le groupe. C'est protéger ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères et sœurs et tes enfants. Ton épouse et toi-même. C'est ça le fait d'obéir au gouverneur. C'est en vérité de ne pas rentrer des fitnas dans le pays où tu vis. Donc tu protèges tout le monde. Donc tu dois être un élément parmi ces éléments-là. Et aussi toujours par rapport à l'alaka, donc toujours par rapport au fait de craindre Allah Azza wa Jal, hein, et aussi par toi-même, il y a une alaka avec toi-même, dans le sens où tu vas suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pour toi. C'est qu'est-ce qui sera gagnant? Allah Azza wa Jal est riche, il n'a pas besoin de toi. Hein, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi, mais toi tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Et par le biais de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des relations qui sont personnelles, envers toi-même, envers la communauté et envers Allah Azza wa Jal. Ce hadith en vérité englobe la vie. Il englobe en vérité quoi? La vie du musulman. Et aussi, donc toujours, donc il a dit une addition par rapport à l'irtilef, hein, donc il y aura beaucoup d'irtilef, énormément. Énormément de nouvelles choses qui. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas l'adoration, on ne va pas trouver des gens qui amènent des bid'ahs dessus. Dans Tawhid, hadith ou al-haraj, on pourrait parler énormément de cela. Dans la prière, des gens qui amènent des nouvelles prières. Dans le jeûne, des gens qui jeûnent 10 jours, ils ne peuvent pas jeûner. Et qui disent que ça c'est une sunna. Si tu jeûnes tel jour, tu auras autant de récompenses. Dans le hajj, ils font des choses. Dans plein de choses. Après, dans toutes les adorations, on va trouver des gens qui vont venir innover des choses. À chaque fois. Et donc les rtilefs, hein, qui sont énormes, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de revenir tout simplement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le Nabi Sassim est venu en vérité de façon claire. Il nous a ramené en vérité le résultat directement. C'est pas la peine de chercher ailleurs. C'est de revenir simplement à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de se sauver de cet irtilef qui est donc interdit. Qui est en vérité interdit. Non. De suivre qui? Le Nabi Sassim qui montre bien de le suivre lui. Et de suivre aussi les compagnons. Allah Azza wa Jalla nous a permis, il nous a gracié de savoir comment étaient énormément de gens. Pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu veux comprendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut à la fin des salaf. Tu en as des exemples, énormément de salaf. Il faut donc être la compréhension des plus prédécesseurs. Afin que pas chacun d'entre nous se diverge, hein, ou bien prenne un chemin en croyant que ça veut dire ça. Allah Azza wa Jalla n'a laissé aucune excuse. N'a laissé en vérité, face à un musulman, aucune excuse. Personne en vérité ne s'égare qu'en vérité celui qui périt. Hein, ne s'égare en vérité que celui qui ou bien périt, plutôt que celui qui va s'égarer. Celui qui s'égare, il va périr. Pourtant, la voie, elle est claire de nuit comme de jour. Elle est claire de nuit comme de jour. Car il y a énormément de détails pour savoir comment en vérité on peut revenir à la vérité. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est que lorsqu'on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est il y a une najat. Min al-firqa allati tawa'ada ahluha bin-nar. Al-firqa allati tawa'ada ahluha bin-nar. Ça veut dire qu'en vérité, le fait de, d'être assidu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te sauver. Tu vas te sauver de quoi? Du groupe qui mérite d'aller en enfer. Le groupe qui a reçu la menace de rentrer en enfer. Qui a reçu la menace de rentrer en enfer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique dit « Inna bani Israël iftaraqat ala ihda wa sib'in farqa. Wa inna ummati satafkariku ala sinatin wa sib'in farqa. Kulluha finna illa wahida. Hiya al-jama'a. » Certes, les enfants d'Israël sont divisés en 71 sectes. Et certes, ma communauté va se diviser en 72 sectes. Toutes en enfer, sauf une. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya al-jama'a » dans d'autres variantes « Ma'ana Ali al-yom wa ashabi » ou bien « Ma'ana Ali wa ashabi » Donc, il dit bien « Toutes en enfer, toutes méritent à Kulihal d'être en enfer, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes kafira, certaines le sont, certaines ne le sont pas, des gens de la bida, mais ils méritent de recevoir donc le coup d'Allah, sur le châtiment d'Allah azzawajal, de goûter l'enfer. Ne serait-ce que de goûter l'enfer par rapport aux innovations, par rapport au fait de légiférer en dehors d'Allah azzawajal, de légiférer alors qu'ils n'ont pas le droit de faire cela. Donc tout en enfer sauf une. Qui al-jama'a? Al-jama'a, c'est justement donc le groupe des musulmans avec leur imam, le groupe des musulmans avec leur imam. Ou bien ma'an alihi wa ashabi, ceux dont je suis avec, ainsi que mes compagnons. Ainsi que mes compagnons. La meilleure époque. Le Nabi Sam nous a montré donc quelles sont les meilleures époques. Donc dans le fait, on voit dans ce hadith, donc le fait de respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la suivre, c'est justement donc on va se sauver, donc justement, et s'éloigner, s'écarter des parties et des firqas mazmouma, donc qui sont réprimandées, celles qui méritent donc de goûter l'enfer. Donc ça c'est bien sûr donc un bénéfice parmi les bénéfices. Et il y a des irtilef qui n'amènent pas bien sûr, donc on a des irtilef qui sont permis, les divergences qui sont permises, dans certains points de la prière par exemple, que les gens connaissent, ou d'autres points que les gens connaissent aussi, elles n'amènent pas, ces divergences-là n'amènent pas à quoi? À al-farqa, ou bien al-farqa, le fait de se diviser. Il n'y a pas de farqa, il n'y a pas de division. Les ulama qui ont décidé de mettre la poing sur la poitrine, après le retour de recours, ou bien de délaisser les mains le long du corps après le retour de recours, ne sont pas en guerre les uns contre les autres. Bien au contraire. Wa li kulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khayrat. Bien au contraire. C'est ce que le disait Cheikh Albani Rahimahullah par rapport à cela. Il disait wa li kulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khayrat. C'est-à-dire chaque avis, c'est Allah seul qui est donc le garant de cela, et concurrencez-vous dans le bien, tout simplement. Voilà comment il répondait lorsque les gens disaient, par exemple, mais il y a une fois, il y avait un shirk qui avait donc répondu à Shir par rapport à un sujet qui a une divergence. Et cette personne-là, lorsque des gens qui n'aimaient pas Shir ont profité de celui-là pour critiquer Shir fortement, la personne a regretté de l'avoir écrit. Pourtant, c'était un ordre qui est chéri permis, il n'y a pas de problème en cela. Mais la personne, à cause de la mafsada de certaines personnes, a regretté de l'écrire ce Shir-là. Et Shir Abani a dit, il n'y a pas de problème en cela, ça c'est le vertilet qui rapproche, mais qui en vérité qui n'éloigne pas. C'est du ilm, c'est du ilm. La même chose. Donc, par rapport à l'imam Ahmed ou à l'imam Shafi'i, qui ne sont pas en accord dans plusieurs points, mais tout ça, pourtant l'imam Ahmed, 40 ans, son fils Abdallah a dit, j'ai toujours entendu, donc dans tes soujouds, j'ai toujours entendu, donc invoqué pour l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i. Alors que pourtant, ils étaient en désaccord sur des sujets, mais qui ne sont pas des sujets de base, qui restent dans les sujets dont la divergence est selon la compréhension. Donc ça c'est Irtilef Tenawwa, c'est pas tendance. Irtilef Tenawwa dans le sens où il y a un Irtilef qui est permis, tout simplement. On peut retrouver des fois un ou deux ou trois avis par exemple différents par rapport à cela. Et aussi bien sûr toujours par rapport aux bénéfices qu'on prend de ce hadith-là, donc le fait de... C'est ça que c'est que le Nabi, c'est aussi un prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jalla. C'est un prophète, donc c'est une preuve de la véracité de la prophétie du prophète, de l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla, son messager. Car il a bien dit que la communauté va se diviser. Et la division, elle est claire et évidente à l'heure actuelle. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alors que dans son époque il n'y avait pas de fer, il n'y avait pas de furqa. Il ne connaît pas l'avenir sallallahu alayhi wa sallam. Sauf ce dont Allah azza wa jalla lui a permis de connaître. Sauf ce dont Allah azza wa jalla donc lui a permis de connaître. C'est pour ça qu'il a dit que cette communauté se divisera en 73 sectes. Toutes sont en enfer sauf une. Les 73 dans le sens 73 de base. Si maintenant quelqu'un veut mettre des nombres, il va dire moi je trouve qu'il y a encore plus que cela. Mais c'est parce que d'autres entrent dans une dénomination. Tout ce qu'il y a avec Rabat et Shia, donc c'est. Donc on va retrouver chez Shia plusieurs sectes. On va retrouver chez Soufia plusieurs sectes. Mais ça reste qu'une seule dénomination. Aussi, donc toujours, donc le fait, donc Idan Adam Fihim Pardim, les femmes Ittiba Sunna, Alay Sakazalik, Fihi Bayan, il Samanat Mil Samanat Ittiba Sunna, Alay Sakazalik. Donc le fait de suivre la Sunna du prophète sur ça, mais le fait de ne pas donc sombrer et se retrouver dans l'enfer, n'est-ce pas qu'en vérité c'est une grande cause, c'est un grand bien, car tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu as respecté et honoré la sunna, le fait, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi n'est-ce pas que c'est un fruit, donc parmi les fruits du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les fruits de la du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que tu n'entreras pas en enfer bin azawajal. Donc il reste 5 minutes, on va pas rester longtemps. On va terminer avant ce qui reste ici. Et bien sûr ici donc, comme on a dit, c'est le faire part par rapport au tout en enfer sur une, on avait dit que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit ma communauté va se diviser. Donc certainement on voit que donc on sait qu'il y a des, il peut y avoir des bid'as qui sont mukaffara et d'autres non. Donc des bid'as qui sont en réalité qui font sortir de la religion et d'autres non. Donc si Allah Azza wa Jalla veut les châtie et s'il veut bien sûr il leur pardonne. Car Allah Azza wa Jalla dit dans un verset Inna Allah yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah ne pardonne pas que l'on l'associe, mais il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Donc Allah Azza wa Jalla va pardonner à qui il veut. Et on connaît parmi les signes du pardon, c'est le pardon des fois, c'est l'intercession, ou bien du prophète, ou bien du Coran, ou bien des anges, ou bien des personnes pieuses, ou bien de certains actes, ou bien d'un enfant, l'akhélie, par rapport à Shafa'a, le jour dernier. C'est bien sûr le jour dernier pour celui dont Allah aura agréé, et qu'il accepte aussi de celui qui, donc Allah accepte de celui qui va justement être intercesseur, et agréer aussi, donc agréer de celui-ci, et accepter aussi, donc accepter celui qui mérite cette intercession. S'il n'y a pas ces conditions-là, il n'y aura pas de shafa'a. Et l'imam Ajouri dit, Mohammed ibn Hassan, ibn Hussein, ibn al-Hussein, rahmallah, il dit donc, « فَالْمُؤْمِنُ الْعَقِلُ يَشْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ الْمِلَّةِ النَّاجِيَةِ بِإِتِّبَاعِهِ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنْ أَصْحَابِهِ رَحْمَهُمُ اللَّهُ وسنن التابعين بعدهم بإحسان وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن السلام ومن كان على طريقته من الشيوخ فما أنكروه أنكرناه فما قبلوه وقالوا به قبلناه وكنا به ونبذنا ما سوى ذلك نكلم أجريدي رحمه الله dans Kitab Arba'in. Donc il dit, Rahmanullah, donc c'est un grand imam qui est parti vivre à Mecca, qui est parti faire Omra, puis le Hajj, puis il est resté. Il est resté des décennies et devenu le grand imam de cet endroit-là, de Mecca. Il dit, Rahmanullah, il dit, le croyant qui est doté de raison ou doué de raison, fait les efforts afin qu'il fasse partie de ce groupe sauvé. Par une cause ici, son suivi du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé et de la sunna de ses compagnons, ainsi que des tabirines, de ceux qui les suivent à la perfection par la suite, ainsi que la parole des imams parmi les musulmans, dont, bien sûr, donc on va dire leur nom, c'est-à-dire que lorsqu'on cite leur nom, on n'a pas de dégain, dans le sens où ce n'est pas des noms de gens de la Mida, c'est des noms de gens que l'on aime. Comme qui par exemple, Sufyan al-Thawri, l'imam Awza'i, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, hein, Abu Ubayd, Al-Qasim, Ibn Salam et d'autres, et tous ceux qui sont dans leur voie parmi les chouïrs. Ce qu'ils ont dénigré, on l'a dénigré. Ce qu'ils ont accepté, on l'a accepté. Hein. Et on a rejeté tout ce qui est en dehors de cela. Dans le sens où, alhamdulillah, il y a une lignée, il y a un héritage. Ce sont les héritiers du prophète, il y a un héritage. Pour chaque siècle, les gens sont connus, leurs livres sont connus, leurs méthodes sont connues, elles sont la même. On a l'impression que c'est un seul homme, un seul cœur. Et donc ils ont la même voie pour montrer la religion d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit après cela, donc ce qu'on fait, on rejette. Si ce ne sont pas partie de ces gens-là, on les rejette. Et de façon générale, les gens de la bid'a, rares sont les noms qu'ils ont été justement répondus de façon générale, ou les gens en profitent jusqu'à maintenant. De façon générale, en protégeant sa religion, a laissé justement les gens de la sunna avec un rappel de leur nom jusqu'à maintenant, et leurs livres et leurs sciences. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc prochain cours, c'est 16h15 pour moi. نعم طيب بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته